Chapitre 30e. Rose vivait d'une vie absolument nouvelle et qui lui paraissait bien étrange. Seule tout le jour, excepté à l'heure du repas, et pendant la lecture du journal d'André, elle avait le temps de faire des réflexions et ce qui l'étonnait plus que tout le reste, elle ne s'ennuyait pas. La matinée se passait à sa toilette, plus simple et moins longue qu'autrefois. Mais elle se levait tard, et voyait ainsi arriver sans impatience l'heure du déjeuner. Dès que son mari l'avait quittée, elle sortait, se promenait dans ce cher Paris, si longtemps regretté, et qui maintenant lui offrait beaucoup moins de charme qu'elle ne l'aurait cru. Elle rentrait volontiers au logis, dès la chute du jour, et assise dans le salon, un livre sur les genoux, mais le plus souvent sans le lire, elle se rappelait la petite maison de Chartres et les soirées qui avaient suivi sa maladie. La noble figure d'André venait toujours se placer à cet endroit de ses méditations. À vrai dire, elle n'en était jamais absente, mais, à cette heure du jour, Rose s'abandonnait avec une grande douceur à ses pensées qui précédaient le retour de son mari pour le dîner. Elle était à peine reconnaissable, tant elle avait changé ses manières et son costume. Non seulement ce n'était plus la comédienne revenue d'Amérique, mais ce n'était même plus l'ancienne Rose, la jeune mariée de Chartres. Tout ce qu'elle avait arboré alors de séduction charmante pour les dames de cette ville lui eut paru maintenant grossier et ridicule en comparaison de l'extrême simplicité qui seule lui paraissait convenir à sa nouvelle position. Si jamais elle pouvait reconquérir l'estime de son mari, ce serait en lui faisant oublier le passé. Elle le sentait bien. André se montrait implacable, non qu'il témoignât à celle qui avait été sa femme aucun sentiment d'animosité, loin de là. Il se montrait d'une politesse irréprochable et même, pendant les repas, il causait souvent avec elle des nouvelles du jour et des événements politiques. Mais là se bornaient leurs entretiens. Bien des fois Rose avait essayé d'aborder un sujet de conversation moins banal. Elle s'était toujours heurtée à une impitoyable indifférence. Vainement elle tentait de parler de ses voyages, de ses opinions sur ce qu'elle avait vu et entendu, d'interroger si légèrement que ce fût les sentiments d'André sur quelques points qui le touchent à lui-même. Il l'écoutait d'un air poli et distrait et ne répondait pas. Cette froideur, au lieu de décourager la jeune femme, lui inspira une singulière persistance. Plus André se montrait inaccessible, plus elle se sentait dévorée du désir de le toucher, d'attirer sur elle un regard moins glacial, moins officiel que celui qui accompagnait ses paroles non moins officielles. Cédant à la force des choses, le jeune homme se laissait parfois aller à discuter, sous une forme toujours froide mais moins brève, un événement, un accident. C'était un pas considérable, du moins Rose le pensait. Lorsque André rentra un jour, muet, sombre, violemment agité, malgré les efforts qu'il faisait pour garder une apparence de calme. Vous est-il arrivé quelque chose ? Demanda Rose, qui se sentit le cœur serré d'une inquiétude réelle. André la regarda d'un air égaré. « À moi non, dit-il, et d'ailleurs, que vous importe ?» Elle tressaillit à cette réponse et l'examina plus attentivement. « Mon ami, insista-t-elle avec une douceur bien singulière chez elle, n'attribuez pas à ma question une curiosité déplacée. Je crains, à votre apparence, que vous n'ayez prouvé une émotion douloureuse, et si je pouvais... »« Vous ?» fit André avec une colère concentrée. « Vous ? Non, vous n'y pouvez rien. Oui, je viens d'être cruellement éprouvé. L'épreuve n'est pas finie. Mais ne me parlez jamais de cela. Vous avez dû comprendre, n'est-ce pas, que si nos vies devaient sembler unies, nos personnes et nos âmes étaient irrévocablement séparées ?» Rose, qui le regardait avec une expression bizarre, mêlée de crainte et de pitié, fit un signe de tête. « Je vous dirai même plus. » continua André avec emportement. Vous êtes désormais dégagé de tout devoir envers moi. S'il vous plaît de me quitter et de retourner à vos occupations ordinaires, je vous en prie, que ce ne soit pas moi qui vous retienne. Elle détourna la tête. Vous me chassez, dit-elle d'une voix brisée. André passa la main sur son front avec un geste désespéré. Non, dit-il d'un ton plus calme, je ne veux pas et je ne dois pas concevoir cette pensée. Que dirait le monde? Et puis... « Est-ce seulement à cause du monde ?» fit Rose du même ton. Il la regarda avec étonnement, et un soupçon de la vérité traversa son esprit troublé. Une horreur secrète et profonde le secoua dans tout son être. Est-ce que cette femme allait se permettre de l'aimer ? En ce moment, Rose releva la tête et, En voyant l'expression du visage d'André, ses yeux reprirent leur éclat pervers. Il poussa un inexprimable soupir de soulagement et chassa loin de lui la pensée qui l'avait émue. « Parce que si c'était seulement à cause du monde, » reprit sa femme d'un air indifférent, « je me soucie fort peu du monde, moi. Je n'ai rien à craindre ni à attendre de lui. Tout ce qu'il pouvait me faire de mal ou de bien, il l'a fait, sans me demander mon avis. « Non, » dit André avec effort, « ce n'est pas seulement pour cela. Vous êtes ma femme et depuis votre retour, j'aurais mauvaise grâce à me plaindre de vous. Vous iriez ailleurs, que cela ne changeait rien aux choses. Seulement, je vous prie de me laisser, comme vous l'avez fait du reste jusqu'ici, une liberté absolue de mes actions. C'est entendu, n'est-ce pas ?»« Naturellement, » répondit-elle avec son air hautain des anciens jours. Il la salua et sortit. Une minute après, la bonne entra. « Madame est servie, » dit-elle. « Monsieur prie madame de ne pas l'attendre pour dîner. »« Très bien, » fit Rose. Elle se dirigea vers la salle à manger et s'assit. Pendant que la bonne enlevait le couvert d'André, devenu inutile, elle feignit de manger. Puis, pendant un moment où elle se trouvait seule, elle ensevelit brusquement son visage dans un mouchoir pour étouffer un sanglot. Au même instant, la servante rentrait avec le rôti. Elle reprit son air tranquille et acheva son repas sans témoigner d'autre émotion. Elle alla ensuite s'asseoir dans le salon. Mais au lieu de reprendre son ouvrage, comme d'ordinaire, elle resta pensive, enfoncée dans un grand fauteuil, le menton dans sa main, les sourcils froncés, concentrés sur une seule pensée. Que pouvait-il bien être arrivé à André ? Rien de bon, à coup sûr. S'il avait su que ce jour-là il avait vu Marguerite à la Sainte-Chapelle, ses méditations eussent été plus amères et plus farouches encore. Et elle écouta pendant toute la soirée les moindres bruits de l'appartement, prêtant l'oreille au tintement des pendeloques du lustre, se soulevant avec inquiétude sur son coude au moindre craquement des boiseries. Vers minuit, André rentra. Elle se laissa retomber sur ses coudes avec un soupir de soulagement et une idée confuse, qui avait flotté toute la soirée dans son esprit sans prendre de forme, se manifesta soudain nettement. Elle avait craint qu'André, las de cette vie, ne l'abandonnât. Il était rentré, elle était sauvée, pour ce jour-là du moins.